pas ça qui me choque ce matin, moi. C'est de voir que nous, les mous canadiens-français, on va se faire dicter comment se comporter, comment respecter notre culture par une personne qui arrive d'Algérie. On n'est même pas capable de prononcer son nom. Madame Benhabib. Ben, monsieur, Madame Benhabib arrive d'Algérie. Je n'aime pas que ces gens-là arrivent ici et nous établissent leurs règles. Qu'on aille toucher à leurs règles. Elle est de quelle religion, elle? On ne sait pas. Qu'on aille toucher à leurs règles pour le fun, voir. Ça, c'est hier matin sur les ondes du 98.5 à Montréal, à l'émission de Paul Arcand, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui réagissait, aux propos de Jamila Benhabib, candidate péquiste dans le comté de Trois-Rivières. Puis bon, là, elle accusait à peu près tout le monde de l'avoir mal cité hier. Elle dit que, quand elle était juste une intellectuelle, elle était contre le crucifié à l'Assemblée nationale. Mais maintenant qu'elle est péquiste et qu'elle est candidate, là, ça la dérange plus. Elle s'est rangée, donc, derrière la ligne de parti au Parti québécois. Et évidemment, les propos du maire Tremblay ont beaucoup fait jaser toute la journée hier. Et puis, on va en parler avec le principal intéressé, le maire Jean Tremblay de Saguenay, qui est au bout du fil. Monsieur Tremblay, bon matin. Oui, bonjour. Hey, monsieur le maire, vous vous êtes pas excusé hier, vous vous êtes tenu debout, vous avez maintenu vos propos. J'imagine que la nuit a rien changé. Vous avez pas plus l'intention de vous excuser ce matin, non? Ils vont-tu arrêter ça, cette formule-là? C'est enfantin, ça, s'excuser. On demande ça à un enfant. Depuis qu'ils demandent aux personnes de s'excuser, là, avez-vous un seul exemple d'une personne qui s'est déjà excusée? C'est rarement sincère. Quand il y en a, c'est une formule, ça. Quand t'as plus rien à dire, là, tu dis, ouais. Je veux qu'il s'excuse. Tu n'as plus d'argument, là. Je veux qu'il s'excuse. C'est niaiseux, ça. Ça arrête ça. Il n'y a personne qui s'excuse, c'est d'abord. Alors, c'est inefficace. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des... Sans s'excuser, y a-t-il des choses que vous rediriez différemment? Est-ce que vous maintenez exactement les mêmes propos? Ben oui, pas du tout. J'écoute ça, là, puis c'est exactement ce que je pense. C'est vrai. Elle a dit, là, je suis une intellectuelle. Mm-hmm. Ça m'énerve, moi, quand quelqu'un dit qu'elle est intellectuelle. Moi, j'ai enseigné à l'université. Je m'en fais pas avec ça, là. Je commence pas à dire, moi, je suis un intellectuel. Ça veut dire, les chauffeurs de taxi, là, eux autres, leur opinion, c'est pas important, c'est pas des intellectuels. Ouais. Ben, moi, il y a des fois que je prends le taxi, là, puis c'est nos meilleures idées qu'on prend, là. C'est vrai, c'est vrai. Oui, monsieur, eux autres parlent à tout le monde, puis ils savent, puis je parle à mes ouvriers à ville. Quand tu dis que t'es un intellectuel, là, tu viens de confirmer que tu penses que t'es supérieur, là. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Ça veut dire, moi, je suis supérieur. Écoutez-moi, là, moi, je suis une intellectuelle. C'est très péquiste, là, des fois, comme façon de faire. Nous autres, on sait ce qui est bon pour vous autres. Nous autres, on réfléchit. On est des universitaires, puis on réfléchit. Vous autres, vous allez nous écouter, là, parce que nous autres, intellectuels, moi, je lis juste pendant mes vacances, là, j'en ai lu 4, mais je me prétends pas intellectuel pour ça. Je suis pas plus intelligent que mon voisin, qui est gardien. On faut arrêter de penser qu'il y a des personnes plus intelligentes que d'autres. Puis quelqu'un, des fois, a le métier le plus bas, là, c'est lui qui a le meilleur raisonnement. Il y en a, on va vous le dire, qui ont été à l'école bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Ça s'appelle des nuages longtemps, des fois, ceux qui vont à l'école longtemps. Je suis une intellectuelle. C'est ça, mon argument. Êtes-vous raciste, monsieur Tremblay? Pas. Ma fille est avec un gars du Bangladesh, là, puis tu peux pas avoir plus fin que ça. Arrêtez, là. Je suis pas raciste du tout. Sauf qu'elle a une culture qui est très belle. D'abord, c'est une femme, c'est vrai qu'elle est intelligente, là, qu'elle est bien articulée. Ça, je vais vous le dire, là. C'est vrai. Maintenant, ça veut pas dire que son raisonnement est meilleur qu'un autre, là. Mais elle a certainement été à l'école parce qu'à l'écouter parler, là, tu vois qu'elle est instruite. Maintenant, elle a une culture, elle a souffert des choses avec la religion, l'islamisme, qui s'apparaît, puis on en parle. Mais c'est pas les mêmes choses que nous autres, là. Ça, c'est incomparable avec ce qu'on prétend avoir souffert, là. Il y en a qui prétendent qu'ils ont bien souffert de la religion ici, là, mais en tout cas, mettons que c'est vrai, là, pour certaines personnes, mais ça n'a rien à voir, là. Mais elle a établi qu'il fallait tout tasser à religion, on ne va plus avoir ça. Elle est athée, donc on doit tous se comporter comme des athées. Alors, moi, je me dis, tant j'aime me faire dire ça par un Québécois, c'est tannant, puis je suis pas d'accord, puis vous le savez, j'ai déjà réagi. Mais sauf que là, me le faire dire par une intellectuelle d'un niveau si haut à laquelle on peut même pas s'exprimer, parce que madame est intellectuelle. Ça veut dire Jean Tremblay du Saguenay, là, je suis pas un intellectuel, là, moi, là. Là, vous avez été dénoncé hier de façon presque unanime, monsieur le maire, par les trois chefs des partis politiques. Ce matin, c'est Marie-Claude Lortie dans la presse. Elle a dit que vous devriez vous taire Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? Oh là, Nyombo, là, c'est ça mes convictions, là. C'est pas nouveau, là. C'est sûr que ceux qui pensent pas comme moi, ils vont dire ça. Mais c'est pas tout le monde qui dit ça, là. Si vous lisez les journaux aujourd'hui, puis la télévision hier, puis les emails que je reçois, je dis pas que j'en reçois pas des polissons, là. Tu sais, il y en a un qui me dit, il dit, t'as aucune culture, tabarnak. Imagine-toi donc. Il doit en avoir, lui. Ben oui, il doit être très cultivé. Il doit être très cultivé. Fait que là, tu sais, ça, c'est sûr que ça provoque... effectivement, je vais vous avouer que je pensais pas que ça provoquera autant que ça, là. Parce qu'hier, c'était comme démesuré, là. Mais il reste une chose, c'est que je le pense vraiment... Puis je pense pas être seul à le penser, là. Ouais, mais il y a quelque chose, je pense, qui dérange peut-être les grands analystes, puis qui dérange peut-être d'autres personnes. C'est quand vous parlez de eux autres puis de nous autres, comme si les Québécois n'étaient pas tous égaux. Vous, là, un Québécois qui est musulman, ben un Québécois qui est catholique, si tu es égal, c'est quoi votre raisonnement là-dessus? Ça, là, on est tous égaux. C'est vrai, on est tous égaux. Sauf que dans certains domaines, sauf que il faut se garder une petite réserve. C'est comme moi là, si je vais vous parler de médecine, puis je suis en compagnie d'un médecin, puis il commence à m'ostiner, faudrait que je me garde une petite réserve parce que en médecine, il est peut-être meilleur que moi. Comprends-tu là? Je suis pas égal à lui en médecine. Ben non. Je suis un être humain égal à lui. J'ai droit à mon opinion. J'ai droit de me faire valoir. Quand on va voter, on a tous le même vote. Mais dans certains domaines, je dois me garder une petite retenue. Tu sais, c'est ça que je veux dire là. Il y a des gens qui sont mieux positionnés pour s'exprimer. Si je m'exprimais, par exemple. Quand je parle avec Madame Marois, par exemple, bon, ben écoutez, Madame Marois, elle a un statut politique qui est plus haut que le mien. Donc, il faut quand même que je considère ça un petit peu. Je peux dire que je suis égal à elle. Mais elle a quand même un statut qui est plus haut que le mien. Mais suivant ce raisonnement-là, quelle devrait être l'attitude, par exemple, des immigrants qui arrivent d'Algérie? Comment ils devraient agir quand il est question des questions religieuses au Québec? Est-ce qu'ils devraient se fermer la gueule? Comment ils devraient réagir? Moi, je trouve qu'ils font très bien ça. Je vais vous le dire, là. J'ai pas de reproche à leur faire. Sauf qu'elle, elle arrive. Puis elle parle avec autorité, je sais pas si vous l'avez entendu, elle parle avec autorité, puis elle dit qu'elle va établir les règles, c'est elle qui va porter le flambeau, c'est le dossier qu'elle veut défendre à l'Assemblée nationale. Alors là, c'est elle, nous, on va la suivre. Puis vous connaissez l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font à part d'applaudir? On les voit toutes, là, ils applaudissent, l'un qui parle, ah, mon Dieu, ils applaudissent, puis dès qu'il y a une question un petit peu controversée, là, ils oseront jamais. Alors, là, elle va se lever, puis avec son grand vocabulaire, elle va dire, voici, là, c'est comme ça que ça va marcher, les règles au Québec. Je les vois d'avance, ça va tout applaudir. Vous avez employé le terme « mou », comme quoi on est mou au Québec. Vous l'avez employé à quelques reprises. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça fait qu'on est mou de même au Québec, M. le maire, par rapport à ça? Là? Pourtant, historiquement, on n'est pas mou. C'est ça qui me choque. Parce qu'historiquement, les Canadiens prononceraient... Si on était vraiment mou, historiquement, là, on ne parlerait même plus français. On serait assimilé, ça fait longtemps. On s'est toujours défendu. Mais on dirait que depuis un bout de temps, ça finit plus. Tu sais, on a des records aussi, là. La pilule antidépresseur, record mondial, là. Ben oui. C'est quoi cette affaire-là, là? On est rendu où, là? On n'est plus capable de faire face à nos obligations? Je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes, puis on est dans une société difficile, une période difficile. Mais d'un autre côté, quand vient le temps de se défendre, devant des situations qui sont sérieuses, il faut savoir dire non, puis il faut savoir se défendre. Vous savez, moi, là, des fois, je leur dis, à Ville, c'est arrivé une petite chicane, là, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu parlais dans le cas de temps en temps, ça fait du bien, là. Ça fait du bien. Si on dit toujours oui, ça a l'air à bien aller, mais ça va pas bien. C'est ça qui arrive partout. On est tellement fort sur la rectitude politique. Restons dans les dossiers d'immigration, monsieur Tremblay. Il y a deux semaines, il y a un candidat indépendant ici dans la région de Québec qui s'est retrouvé dans une controverse qui a duré plusieurs jours parce qu'il a dit que les Asiatiques étaient plus travaillants que les Arabes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là qui était assez politiquement incorrecte, mais que ça donne qu'il y en a qui étaient d'accord avec cette déclaration-là d'un candidat indépendant? Moi, si on commence à qualifier les gens avec leur origine, puis on commence à appuyer là-dessus, ça, c'est pas bon, ça. Vous embarquez pas là-dedans. Non, c'est pas juste moi. Je pense qu'on devrait jamais personne embarquer dans ça. Mm-hmm. C'est de la discrimination qui est assez... c'est méprisant. Puis ça, d'abord, ça fait mal. J'en ai entendu sur les Haïtiens, sur les Noirs. Puis la plupart du temps, plus tu côtoies ces gens-là, plus tu t'aperçois qu'ils sont intéressants. Moi, je vous le dis, j'ai une gang, un garçon et une fille. Ben oui. Ma fille est avec quelqu'un du Bangladesh. Fait que votre gendre, il vient du Bangladesh. Mais peux-tu vous dire qu'il est fin? Puis qu'il c'est agréable de le côtoyer? Il vit dans quelle région? Est-ce que votre gendre vit dans la région du Saguenay ou ailleurs? À New York. À New York, OK. Oui. OK. Mais il est tellement gentil, puis plus on le connaît, puis tout le monde le connaît. Tu sais, moi, là, je m'aurais parlé des gens du Bangladesh il y a 5 ans. J'aurais dit, je les connais pas, ces gens-là, je sais pas. Mais maintenant, il y a sûrement des gens du Bangladesh qui sont détestables. Il y en a du Québec aussi. Ah, il y en a des là. Québécois aussi, là. Ben oui. Ah, il y en a au Québec, là, je vous dis, on est mieux de garder chez nous. Ben oui. C'est normal, ça. Il y en a partout. Hey, monsieur le maire, changement de sujet, le maire Labeaume semble quasiment diriger le Québec. Là, quand je regarde ça aller, Jean Charest qui a promis 295 millions cette semaine pour la région de Québec, l'anneau de glace, la promenade Samuel de Champlain, 200 millions. On a déjà eu 200 millions pour le Colisée. Vous, quand vous regardez ça aller, ce qui s'est passé encore cette semaine avec les promesses pour la région de Québec, commencez-vous à trouver ça tannant un peu, tout ce qu'on donne au maire Labeaume? Je vais vous le dire. Les maires, quand ça se parle, il y en a qui trouvent ça tannant. Ouais. Mais moi, le maire Labeaume, je trouve qu'il est bon. Ouais. Ben oui. Moi, je trouve que c'est ça, sa job tiré. C'est ça que je dis aux maires partout. Écoute, là, faites pareil. Sa job à lui, c'est d'aller en chercher le plus possible. C'est ça qu'il fait. Il fait bien sa job. Et on peut pas y reprocher d'aller en chercher trop. Il a le tour. Puis il est bon. Puis il est pas peureux. Ah, ben moi, je parlerai pas contre la mère Labeaume. Moi, je trouve bon. Non, je comprends, mais... Ça fait pareil. Mais qu'est-ce que vous pensez de Jean Charest qui dit oui à tout ou presque? Ah, ils se disent oui à tout, les autres aussi, là. En campagne électorale, tout le monde dit oui à tout, là. Ouais. Alors... Fait que vous êtes pas trop jaloux, là. Ben oui, des fois. Des fois, oui. Ben oui. Mais honnêtement, là, je suis pas dans les pires. Okay. On peut tout se le dire, là. Je suis pas dans les pires parce qu'on est pas mal gâtés aussi, là. On a eu, là, Jean Charest nous a donné le parc des Laurentides. Oui. Il vient nous donner une desserte ferroviaire, là. Ça, c'est une grosse affaire. Il a donné 50 millions pour les bateaux de croisière. Tu sais, là, pour le plan Nord, on est à presse positionné. Nos équipements sportifs, tout ça, des fois, c'est moins spectaculaire, mais t'as pas construit un aréna, mais tu en as construit trois petits. Puis le Saguenay, là, je vais vous le dire, on n'a pas à se plaindre de Jean Charest. Pas à plaindre. Allez-vous voter libéral? Ben, c'est connu pas mal. Ouais, hein? Ouais, mais moi, je veux pas mêler d'élection d'un autre côté. Là, l'affaire est arrivée, des accommodements raisonnables. Honnêtement, là, ça aurait été un libéral, j'aurais fait pareil, là. Mais je veux pas mêler d'élection parce que c'est pas mon rôle. C'est déplaisant pour les citoyens. Écoute, ils vont dire, le maire, là, hey, c'est pas lui. Là, qui rende sa ville, là, puis qui laisse la reste, il aurait raison. Hey, en terminant, monsieur le maire, là, je veux revenir juste en finissant sur une autre demande du maire Labeaume, le fameux droit de lock-out. Pour les employés municipaux, le maire Labeaume fait plusieurs mois qu'il demande ça, qu'il en parle. Il y a eu des rencontres avec la ministre du Travail, avec Laurent Lessard également là-dessus. Êtes-vous d'accord avec ça, cette volonté-là de vouloir peut-être un meilleur rapport de force face au syndicat de la ville? Est-ce que vous l'appuyez là-dedans? Oui. Oui? Ah oui. Écoute, il y a des dossiers, si on les règle pas, on va avoir des problèmes, là. Mm-hmm. Les dossiers des fonds de pension. Oui. Ça, là, il y a 100% raison. Le rapport de force avec les employés, on l'a pas. Va pas en commission, va pas en arbitrage avec une police, là. D'abord, ça va te coûter une fortune, puis c'est sûr que tu perds. Tu sais, à un moment donné, ça va prendre un rapport de force un peu meilleur. Comment ça se fait que les polices, dans toutes les villes, ils ont tous le même salaire, toutes les mêmes conditions? Parce que si tu t'en vas pas là, ça va être pire. Ça va te coûter une fortune, tu vas perdre. Alors, c'est la même chose avec les employés. Il faut avoir un rapport de force. Il a raison. Il faut y donner ça, là. Il est pas peureux, là. Non, c'est ça, mais comment ça se fait que le maire Tremblay à Montréal, comment ça se fait qu'on l'entend pas là-dedans? Vous semblez être d'accord pour dire que c'est un problème important, que vous auriez besoin de ce levier-là, mais le maire Tremblay à Montréal, lui, il a l'air complètement endormi, il a l'air complètement se foutre carrément de ça, lui. Oui, ça. Je veux pas trop en mettre, là. Je n'ai assez mis hier, là, sur l'autre, là. Ouais. Je voudrais pas recommencer à être le maire de Montréal. On va changer de sujet. Ben non, mais tu sais, c'est important. On dirait que, tu sais, c'est la moitié de la province, Montréal. On a l'impression que le gouvernement, accorde pas tant d'importance que ça à la demande du maire Labon, parce que le maire de Montréal suit pas. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec lui, là. Je le sais. Il y a des élections l'année prochaine. Avez-vous hâte? Ben, pour Montréal, là, je ne m'en mêle pas de ça, franchement. C'est sûr de dire qu'un maire, un autre maire, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Je trouve ça un petit peu déplacé. Quand c'est bon, comme la bombe, c'est plus facile. Ouais. Mais quand il est pas bon, là, ben, je voudrais pas non plus... c'est pas à moi de dire aux gens de Montréal, votre maire est bon, votre maire est pas bon. Il y a sûrement des qualités, puis il y a des défauts, mais je pense que ces défauts... c'est pas à moi de les dire. D'ailleurs, j'ai rien rajouté. Je pense que tout est dit puis tout est fait là-dessus. Tout le monde en parle. Moi, je veux pas en rajouter. Quand je le rencontre, il est très gentil avec moi. Non, je comprends ça. Il a l'air bien fin. C'est juste qu'à un moment donné... Oui, il est fin. Il est bien fin, là. Il est très gentil. Non, je comprends ça, sauf qu'à un moment donné, c'est la moitié de la province. Puis les problèmes que vive Montréal finissent par refléter sur l'ensemble de la province. Ben, oui. C'est ça qui est étonnant là-dedans. Ça nous regarde un peu ce qui se passe à Montréal, monsieur. Vous avez raison. Vous représentez l'an prochain, oui? Oui. Parfait. Bon, ben parfait, M. Tremblay. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. Ça m'a fait plaisir. Salut. Bonjour. Salut. Jean Tremblay, le maire de Saguenay, toujours aussi coloré. Je savais pas ça que son gendre venait du Bangladesh. Non, puis il en a l'air très fier. L'aime, moi, le maire Tremblay. Je le trouve drôle. Ah, bon, oui. Mais je sais, tu sais, le compte de taxes au Saguenay, puis tout ça, je sais pas à quoi ça ressemble, mais... Je te dirais qu'en général, les gens au Saguenay sont assez satisfaits de la gestion du maire Tremblay, qui est très terre-à-terre. Autant il est coloré dans ses propos quand il vient le temps de faire des entrevues, autant qu'en général, les choix qui ont été faits pour la région... ont été adéquats dans les dernières années. Moi, je t'avoue que je passe pas mon temps à me préoccuper de ce qui se passe au Saguenay, là, mais très honnête. Moi, je le sais parce que mes parents sont encore là, mon frère est là. Sauf que je trouve qu'il contribue à sa façon, il contribue à la réflexion générale au Québec. Puis il a raison, une chicane, ça fait du bien. Exact. Oui. Le make-up sexe, après, il est toujours bon. Il a raison, une chicane, ça fait du bien. Souvent, tu règles rien si tu chicanes pas. Tu sais, bon, une bonne séance de vérité en pleine face, des fois, ça fait du bien. Je veux vous faire entendre cet extrait du bulletin de nouvelles de TVA hier, dans le TVA 17h. Hein. Si vous l'avez pas entendu, écoutez ça, là. C'est un extrait qui dure 3 minutes. Qui en dit très, très long sur toute cette histoire-là hier, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser. Et je t'avoue que Mme Benhabib, là, tu sais, quand elle parlait de son livre, là, quand elle était auteur avant d'être candidate péquiste, là, je trouvais pas mal sa coche. Je trouvais que ça avait de l'allure. C'était réfléchi. Mais le ton a donc bien changé. Écoutez cet extrait-là. On va aller à la pause là-dessus. Là. Conversation hier entre Pierre Bruneau qui a d'abord donné la parole au maire Tremblay et ensuite avec Mme Benhabib qui s'est encore une fois placée au-dessus de la mêlée, qui a essayé de faire des leçons de journalisme à tout le monde. Et je t'avoue que Pierre Bruneau, je l'ai trouvé bon hier. Là. Mais quand Pierre Bruneau commence à être incisif... C'est parce que la fille est peut-être vraiment, elle tape peut-être probablement beaucoup sur les nerfs. Écoutez cet extrait-là, on s'en va à la pause. Madame Marois qui vous demande de vous excuser aujourd'hui. À toutes les fois qu'on pense pas comme elle, elle demande ça. Puis dans toute sa carrière, il y a personne qui s'est excusé. Ça, c'est enfantin, demander à celui qui pense pas comme toi, tu vas t'excuser. Non, je m'excuserai certainement pas. Vous en êtes pris même aux origines algériennes de Madame Benhabib. Bien oui, qu'elle se présente, c'est correct. C'est normal dans notre société, on a beaucoup d'immigrés. Maintenant, de là à dire que c'est elle qui va piloter le dossier des accommodements raisonnables. Vous savez, notre culture, ce qu'on a de plus profond, ce qu'ont vécu nos ancêtres, nos parents, tout ça, je suis pas certain qu'elle est très sensible à ça. Alors, elle va arriver ici, elle a parlé ce matin, je l'écoutais sur une station de radio, parlait de ce qui se passerait dans les écoles, dans les hôpitaux, quelle était son idée, les crucifix, ben là, elle est obligée de reculer, on sait ce qui s'est passé, c'est en campagne électorale, mais elle s'annonce déjà comme celle qui va porter le flambeau des accommodements raisonnables, qui va établir nos règles. Alors, c'est pour ça que je dis que nous, à toutes les fois qu'arrive quelqu'un comme ça, comme il en est arrivé un dans ma salle du conseil, bon, on plie. Il y en a plusieurs qui me l'ont reproché. Vous auriez dû plier. Ça aurait pas coûté de frais d'avocat. Non, c'est ça. Tu sais, à toutes les fois, pour éviter des conflits, on va plier. Des fois, là, un bon conflit, ça fait du bien. Là, je reprends vos propos. Hein. Vous dites, nous, les Canadiens français, on est des mous, on accepte tout. Mais c'est bonasse, ça. Alors, regardez à l'Assemblée nationale, là, c'est une séance d'applaudissements. Je trouve pas qu'on défend nos valeurs. On défend la langue, mais pas plus intensivement qu'il faut. Mais en tout cas, là-dessus, on n'est pas pire. Mais quand vient-il de nos convictions, de notre culture, je vous dis qu'on défend pas grand-chose. On n'est pas tellement énergique. Vous avez pas vu beaucoup de personnes prendre la parole aujourd'hui? Je vous dis pas que pendant la campagne, c'est là que ça devrait se régler. C'est elle qui a mis ça sur le plancher. Puis moi, ben, écoutez, j'ai simplement dit ce matin, pas d'accord avec elle. Alors là, je suis l'objet de toutes les critiques. Si j'étais le seul à le penser, j'aurais peut-être un problème, là. Je pense qu'il faut se respecter réciproquement. Il faut respecter les musulmans, il faut respecter les catholiques. Mais on est prêt à respecter tout le monde, sauf nous autres. Le respect des catholiques n'est pas fort, là. Hein, j'en ai pas vu souvent cette ville, là. Le respect d'un crucifix, n'allez pas enlever un objet qui appartient aux autochtones, qui appartient aux musulmans, qui appartient aux juifs. Vous allez voir un mouvement qui va être assez intense, puis vous allez laisser les objets à leur place. Mais enlever nos crucifix qui ont été placés là par nos ancêtres, qui font partie de notre culture, il n'y a pas grand monde qui va se révolter. Alors, vous regrettez pas vos propos. Si c'est à refaire, vous diriez les mêmes. Les mêmes, exactement. Oui, ça. Soyez-en certains. Ben, je vais aller à Mme Benhabib, le maire Tremblay, qui dit qu'il tiendrait encore les mêmes propos aujourd'hui. Vous répondez quoi, vous? C'est anecdotique et c'est une caricature. Je pense qu'au Québec, il y a des enjeux beaucoup plus importants. J'ai une décence. Ne me dites pas que tout le monde vous a mal cité aujourd'hui. Tout le monde, il n'y a pas un journaliste qui vous a compris correctement. Ces titres-là sont totalement erronés, car à aucun moment je n'ai demandé le retrait du crucifix. Et je défie quiconque pourrait me citer une seule phrase, la phrase... Madame Benhabib, je vais vous citer, moi. J'ai demandé le retrait du crucifix. Je vous défie. Ben je vous défie de trouver le passage. L'Assemblée nationale doit représenter la volonté du peuple. Il n'est pas assujetti à aucune religion. Je pense que vous mélangez des propos, que vous les citez hors contexte et que vous ne permettez pas à nos concitoyens d'avoir l'information adéquate telle qu'elle doit leur parvenir. Bon, ben, je vais passer aussi le message à tous les journalistes du Devoir, de la presse, de TVA, de Radio-Canada, et également du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui n'ont pas bien compris. Oui, s'il vous plaît. Ben, merci.